Nous arrivâmes derrière la synagogue. À côté était une petite maison où Picard s'arrêta. Il regarda à droite et à gauche s'il ne voyait rien. Ensuite, se pinçant le nez, il appela d'une voix nasillarde et à plusieurs reprises « Jacob, Jacob !» Nous vîmes paraître par un trou une espèce de figure coiffée d'un long bonnet fourré et ornée d'une sale barbe. C'était Jacob le Juif. En reconnaissant Picard, il lui dit en allemand « Ah, c'est vous, mon cher Salomon, je vais vous ouvrir. » Le Juif ouvrit la petite porte et nous entrâmes dans une chambre bien chaude, mais puante et dégoûtante. Lorsque nous fûmes assis sur un banc autour du poêle, nous vîmes entrer trois autres Juifs, dont Jacob nous dit que c'était sa famille. Picard, qui savait comment il fallait s'y prendre avec des soi-disant coreligionnaires, commença par ouvrir son sac et en tirer d'abord une paire d'épaulettes, non pas de colonel, mais de maréchal de camp, une pacotille de galons, tout cela neuf et ramassé à la montagne de Vilna dans les caissons abandonnés. Il y avait aussi quelques couverts d'argent venant de Moscou. Les Juifs ouvrirent de grands yeux. Alors Picard demanda du vin et du pain. On apporta du vin du Rhin excellent. Le pain n'était pas de même, mais pour le moment c'était plus que l'on ne pouvait espérer. Pendant que nous étions à boire, les Juifs regardaient les objets étalés sur le banc. Jacob demanda à Picard combien il voulait de tout cela. « Dites-vous-même, » répondit Picard. Le Juif dit un prix bien éloigné de ce que Picard voulait. Il lui dit « Non, Jacob, dis encore quelque chose de plus. » Cette fois, Picard, chez qui le vin commençait à produire son effet, regarda le Juif d'un air goguenard. Il lui répondit en mettant un doigt sur le côté de son nez et en fredonnant non pas les paroles, mais le chant du rabbin à la synagogue le jour du sabbat. Les quatre Juifs se mirent aussi à se balancer comme des Chinois et à chanter des versets. Grangier regarda Picard, pensant qu'il était fou, et moi, malgré ma triste position, je me permets de rire. Enfin, Picard cessa de chanter pour nous verser à boire. Pendant ce temps, les Juifs causèrent ensemble du prix des objets. Jacob en offrit un prix plus élevé, mais ce n'était pas encore ce que Picard voulait, de sorte qu'il se remit à recommencer son tintamarre, jusqu'au moment où il accorda le marché, à condition qu'on lui donnât de l'or. Jacob paya Picard en pièces d'or de Prusse. Il est probable qu'il était content de son marché, puisqu'il nous donna des noisettes et des oignons. Le vin nous avait monté à la tête et nous avait rendus comme fous, car lorsque Picard eut reçu son argent, nous nous mîmes à faire comme lui le sabbat. Le charivari aurait continué longtemps si l'on eût frappé à la porte à coups de crosse de fusil. Jacob regarda par le trou et aperçut plusieurs soldats qui lui dirent en allemand qu'ils avaient un billet de logement pour loger chez lui et que s'il n'ouvrait pas de suite, la porte allait être enfoncée. Il ouvrit de suite. Nous prîmes le parti de nous retirer. Je dis adieu à Picard avec promesse de nous revoir à Elbing, endroit sur lequel nous avions l'ordre de nous diriger. Arrivés au logement, nous mangeâmes une soupe de riz. Ensuite, je m'occupai de mes pieds, de ma chaussure, et comme nous étions dans une chambre chaude et sur de la paille fraîche, je m'endormis. Le lendemain 17 à 5 heures, la ville était déserte. Les hommes qui depuis 2 mois n'avaient pas couché sous un toit et qui dans ce moment se trouvaient couchés chaudement, ne se pressaient pas de sortir de leur logement. 2 ou 3 tambours qui restaient encore de ceux de la garde battirent la grenadière pour nous et la carabinière pour les chasseurs. Lorsque nous fûmes dans la rue, nous remarquâmes qu'il faisait moins froid que la veille. Nous vîmes venir un traîneau attelé de 2 chevaux qui s'arrêta. Il était conduit par 2 juifs et chargé d'épiceries. L'idée nous vint de leur proposer de nous conduire, en payant bien entendu, jusqu'à Darkelmen, où l'on devait aller ce jour-là, ou de nous emparer du traîneau s'ils refusaient. D'abord, ils firent quelques difficultés sous différents prétextes. Nous leur proposâmes de payer la moitié du prix et le reste en arrivant. Les Juifs acceptèrent. Le prix étant convenu pour 40 francs, nous leur en payâmes de suite la moitié, mais comme ils ne prenaient les pièces de 5 francs que comme un thaler, qui n'en vaut que 4, cela nous fit 10 francs de plus. Nous n'y regardâmes pas de si près, et imprudemment, pour nous attirer leur confiance, nous leur fîmes voir que nous avions beaucoup d'argent. Un sergent-major nommé Pierson, qui avait plusieurs pièces d'argenterie, les montra. Dès ce moment, ils parlèrent hébreu, de sorte que nous ne pûmes rien comprendre de ce qu'ils disaient. Nous étions 5 vélites, le bout de Grangier, Pierson, Oudic et moi. Le traîneau était déchargé, les chevaux reposés. Nous nous disposâmes à partir. Nous mîmes nos fusils dans le fond du traîneau et nos sacs par-dessus, et nous voilà en route. Il était plus de 6 heures. Tous les débris de l'armée étaient déjà en mouvement. comme les jours précédents, sans organisation, sans ordre. La confusion était telle qu'il n'y avait pas moyen de sortir de la ville. Ceux qui ne se sentaient pas la force de marcher voulaient s'emparer des traîneaux ou y prendre place. Sortis avec bien de la peine, nous trouvâmes le même encombrement. Nos conducteurs nous firent comprendre qu'ils allaient nous conduire par un chemin à gauche où l'on ne voyait personne, et qu'avant 1 heure nous aurions rejoint la grande route et dépassé la tête de colonne. Nous aurions dû demander, puisque le chemin était si bon, pourquoi d'autres conducteurs de traîneaux, qui devaient aussi bien le connaître, ne le prenaient pas. Mais nous n'y pensâmes pas. Lorsque nous eûmes voyagé au grand trot un bon quart d'heure, je m'aperçus que la route que nous suivions tournait insensiblement sur la gauche, et nous éloignait de celle qui suivait l'armée, que le terrain sur lequel nous roulions et que l'on nous faisait prendre pour un chemin n'était qu'un remblai formant à la digue d'un canal à notre droite et d'un contre-fossé à gauche. Voulant communiquer mes observations à mes camarades, je criai aussi fort que je le pouvais, et à plusieurs reprises « Halte !» Grangier me demanda ce que je voulais. Je redoublai mes cris. « On nous trompe, nous sommes avec des coquins !» Alors Pierson, qui était sur le devant, tenant dans ses mains une théière en argent qu'il rapportait de Moscou et dont il se servait à chaque instant pour faire du thé, se mit à son tour à crier « Halte !» Les fripons de juifs sautent en bas de la botte de paille sur laquelle ils étaient assis, et toujours en marchant, mais moins vite, prennent les chevaux par la bride, font tourner le traîneau et nous renversent du haut en bas de la digue, du côté du contre-fossé. Heureusement pour moi, qui étais placé derrière, les jambes pendantes en dehors et sur le côté du traîneau, que j'avais pu voir leurs mouvements, de sorte qu'en me laissant glisser, j'évitais de faire le grand saut. Mais mes camarades roulèrent jusqu'en bas, à plus de 25 pieds, et arrivèrent tout meurtris sur glace. Comme ils avaient les pieds et les mains gelés, ils poussaient des cris effrayants, occasionnés par les douleurs. Ces cris se changèrent en cris de rage contre les Juifs qui déjà avaient retiré le traîneau au bord de la digue, car tenant les chevaux par la bride, ils l'avaient empêché, quoique renversé, de rouler jusqu'en bas. Ils se disposaient à se sauver avec nos bagages, mais comme mon fusil était avec les autres, dans le fond du traîneau, je tirai mon sabre, et en portai un coup sur la tête d'un Juif qui, grâce à son bonnet fourré, ne l'eût point fendu en deux. Je lui en portai un second, qu'il para avec la main gauche, couverte d'un gant en peau de mouton. Ils allaient nous échapper quand Pierson arriva pour me seconder, tandis que les autres, encore en bas du remblai, qu'ils n'avaient pas la force de remonter, juraient et nous criaient de tuer les Juifs. Celui auquel j'avais donné un coup de sabre se sauvait en traversant le canal. L'autre, qui tenait les chevaux, demandait grâce en disant que c'était la faute de son camarade. Cela n'empêcha pas Pierson d'appliquer quelques coups de plate de sabre à celui qui restait, et qui demandait pardon en nous appelant colonel et général. Pierson, prenant les chevaux par la bride, lui ordonna de descendre afin d'aider nos camarades à remonter. C'est ce qu'il s'empressa de faire. Il en fut récompensé par les coups de poing qu'on lui appliqua avec force. Lorsqu'ils furent remontés, le boud nous annonça que nous avions acquis de droit le traîneau et les chevaux, car ces deux coquins avaient cherché à nous détruire afin de s'emparer de ce que nous avions. Nous ordonnâmes aux Juifs de nous conduire au grand galop par le chemin le plus court afin de rejoindre l'armée, mais il fallut retourner par où nous étions venus. Arrivé près de la ville, le Juif voulait nous y faire entrer sous prétexte de prendre quelque chose chez lui. C'était pour nous livrer aux Cosaques qui y étaient déjà. Nous lui fîmes sentir la pointe du sabre dans le dos, le menaçâmes de le tuer s'il faisait encore un pas du côté de la ville. Aussi s'empressa-t-il de tourner à gauche sur la route qui suivait l'armée, dont nous apercevions les derniers traîneaux à grande distance. Un quart d'heure après, nous les avions rejoints. Ensuite, nous les dépassâmes en descendant une côte avec rapidité. Comme j'étais placé sur le derrière du traîneau, le bout du timon de l'un de ceux qui descendaient m'atteignit dans le flanc droit et me jeta sur la neige à plus de 6 pieds. Je restais sans connaissance. Un fourrier des Mamelucs, qui me connaissait, s'empressa de me relever et de m'asseoir sur la neige. Mes camarades s'empressèrent aussi de venir à mon secours. On pensait que le timon m'était rentré dans le corps, mais fort heureusement que mes habillements avaient amorti le coup. Et puis, par bonheur, le bord du timon était garni d'une peau de mouton. Je fus relevé, et l'on me replaça sur le traîneau. Chose étonnante, il ne résulta pour moi rien de funeste. Seulement dans la journée, j'eus des vomissements. Il pouvait être 9 heures lorsque nous arrivâmes dans un grand village. Beaucoup d'hommes y étaient déjà. Nous entrâmes dans une maison afin de nous y chauffer. Nous laissâmes notre traîneau à la porte, ayant eu la précaution de le décharger de nos bagages et de faire entrer le Juif avec nous, dans la crainte qu'il n'enlevât notre équipage. Les soldats qui étaient à se chauffer nous dirent que dans le village on vendait des harengs et du genièvre. Comme ils avaient eu beaucoup de complaisance pour moi, et qu'ils avaient tous les pieds plus gelés que les miens, je me décidai à y aller. Mais en partant, je leur recommandai d'avoir les yeux sur le traîneau. « Sois tranquille, me dit Pierson, j'en réponds. » Je partis avec notre juif pour me servir de guide et d'interprète. Il me conduisit chez un de ses compères, où je trouvai des harengs, du genièvre et des mauvaises galettes de seigle. Pendant que je me chauffais en buvant un verre de genièvre, je m'aperçus que mon guide avait disparu avec un autre juif, avec lequel il causait un instant avant. Voyant qu'il ne rentrait pas, je retournai avec mes provisions rejoindre mes amis. Mais quel fut mon étonnement lorsque je fus près de la maison de n'y plus voir le traîneau à la porte. Mes camarades, tranquillement à se chauffer, me demandent où sont les provisions. Moi, je leur demande où est le traîneau. Ils regardent dans la rue. Le traîneau est parti. Sans dire un mot, je jette les provisions à terre, et le cœur triste, je vais me coucher sur de la paille, à côté du poêle. Une demi-heure après, on battit leur appel pour le départ, et l'on nous fit savoir qu'à deux petites lieues de là, il y aurait des traîneaux pour tout le monde, afin que l'on pût arriver le même jour à Gumbinnen. Arrivés à cet endroit, nous y trouvâmes en effet une grande quantité de traîneaux, et un instant après, on nous fit partir. Pendant la route, je fus indisposé. Le mouvement du traîneau fit sur moi l'effet du mal de mer. J'eus des vomissements. Je voulus, avant d'arriver, marcher un peu à pied, mais je faillis périr de froid, car il était devenu insupportable. Heureusement, mes camarades s'aperçurent de ma triste position, firent arrêter le traîneau et vinrent me chercher. Je ne pouvais plus avancer. Quand nous arrivâmes à Gumbinnen, il était temps. On nous donna un billet de logement pour nous cinq, et nous eûmes une chambre bien chaude et de la paille. Lorsque nous fûmes installés, la première chose que nous fîmes fut de demander si, pour de l'argent, nous ne pourrions pas avoir à boire et à manger. Le bourgeois, qui avait l'air d'un brave homme, nous répondit qu'il ferait son possible pour nous donner ce que nous demandions. Une heure après, il nous apporta de la soupe, une oie rôtie et des pommes de terre, de la bière et du genièvre. Nous dévorions le tout des yeux, mais malheureusement, l'oie était tellement coriace que nous ne pûmes en manger que très peu, et ce peu faillit nous étouffer. Nous en fûmes réduits aux pommes de terre. Je fus, avec le sergent-major Houdic, voir dans la ville si nous ne trouverions pas quelque chose à acheter. Le hasard nous conduisit dans une maison où Houdic rencontra un chirurgien-major de son pays. Il était logé avec deux officiers et trois soldats, restes du régiment. Ils étaient dans un état pitoyable. Ils avaient presque tous perdu les doigts des pieds et des mains. Pendant que nous étions dans cette maison, un individu nous proposa de nous vendre un cheval et un traîneau, que nous nous empressâmes d'acheter pour la somme de 80 francs. Le lendemain 18, après avoir essayé de manger de notre oie, qui n'était pas plus tendre que la veille, nous montâmes sur notre traîneau et nous partîmes pour aller coucher à Velno. Mais à peine fûmes-nous hors de la ville que Pierson, qui conduisait le traîneau et qui n'y entendait rien, nous fit faire une culbute, brisa le brancard et nous jeta sur la neige. Nous nous trouvions près d'une maison où nous entrâmes pour le faire réparer. Pendant que le paysan était occupé à cette besogne, nous l'étions à nous chauffer, et lorsque nous fûmes pour nous mettre en route, nous fûmes on ne peut plus étonnés de voir que nous n'avions plus d'armes. Les Prussiens nous avaient pris nos fusils déposés contre la porte. Nous crions, nous jurons, nous voulons nos armes ou nous mettrons le feu à la maison. Mais le paysan jure à son tour qu'il n'a rien vu. Il fallut se décider à partir sans armes. Heureusement qu'après une heure de marche, nous rencontrâmes un forgeron, parti le matin de Gumbinnen avec un chargement de fusils de la garde impériale, de sorte que nous pûmes en prendre d'autres. Enfin, nous arrivâmes à Velno à 3 heures. Nous vîmes plus de 2000 soldats rassemblés près de l'hôtel de ville, attendant des billets de logement. Un grand coquin de Prussien s'avance près de nous et nous dit que si nous voulons pour peu de choses, il nous logera chez lui, qu'il a une chambre bien chaude, de la paille pour nous coucher et une écurie pour notre cheval. Nous acceptâmes avec empressement. Arrivé chez lui, il met le cheval à l'écurie, nous fait monter au second, et là nous entrons dans une chambre passablement malpropre. Il en était de même de la paille, mais il faisait chaud, c'était l'essentiel. Nous vîmes paraître une femme qui avait près de 6 pieds de haut et une vraie figure de cosaque. Elle nous dit qu'elle était la bourgeoise de la maison, et que si nous avions besoin de quelque chose, nous n'avions qu'à lui donner de l'argent, qu'elle irait nous le chercher. C'est ce que nous demandions, car pas un de nous n'était disposé à sortir. Je lui donne 5 francs pour aller nous chercher du pain, de la viande et de la bière. Un instant après, elle nous apporta de l'un et de l'autre. On fit la soupe, et après avoir mangé et nous être assurés que notre cheval ne manquait de rien, nous nous reposâmes jusqu'au lendemain matin. Avant de partir, nous donnâmes à notre bourgeoise une pièce de 5 francs pour la nuit, mais elle nous dit que cela ne suffisait pas. Alors nous lui en donnâmes une seconde, mais ce n'était pas encore son compte. Elle exigea que nous lui donnions une pièce de 5 francs par chaque homme, plus une pour le cheval. Alors je me levai pour lui dire qu'elle n'était qu'une grande canaille et qu'elle n'aurait pas d'avantage. À cela, elle me répondit en me passant la main sur la figure et en me disant « Pauvre petit Français, il y a 6 mois, lorsque tu passais par ici, c'était fort bien, tu étais le plus fort, mais aujourd'hui c'est différent. Tu donneras ce que je te demande, ou j'empêche mon mari de mettre le cheval au traîneau et je vous fais prendre par les Cosaques. » Je lui répondis que je me moquais des Cosaques comme des Prussiens. « Oui, me répondit-elle, si tu savais qu'ils sont près d'ici, tu ne dirais pas cela. » Alors, voyant toute la méchanceté de cette femme, je l'attrapai par le cou pour l'étrangler. Mais elle fut plus forte que moi. Elle me renversa sur la paille, et c'était elle à son tour qui voulait m'étrangler. Fort heureusement qu'un grand coup de pied dans la derrière, donné par un de mes camarades, la fit relever. Dans ce moment, le mari entra. Mais ce fut pour recevoir un grand coup de poing de sa chère femme, qui était comme une furie, qui lui dit qu'il n'était qu'un grand lâche, et que s'il n'allait pas de suite chercher les voisins et les Cosaques, elle lui arracherait les yeux. Comme nous étions 5 contre 2, nous l'empêchâmes de sortir de la maison, et nous le forçâmes de mettre le cheval au traîneau, mais il fallut donner ce que cette coquine avait demandé. Il n'y avait pas à marchander. Les Cosaques étaient proches. Avant de partir, je dis à cette diablesse que si je revenais, je lui ferais rendre avec usure l'argent que nous lui donnions. À cela, elle me répondit en me crachant à la figure. Comme je voulais riposter à cette insulte par un coup de crosse de fusil, mes camarades m'en empêchèrent. Nous nous plaçâmes sur le traîneau pour partir au plus vite. Ce jour-là, 19 décembre, nous allâmes coucher à Istanbul, où nous arrivâmes à la nuit. Nous fûmes logés chez de braves gens. Le lendemain 20, c'était un dimanche. Nous partîmes de grand matin pour aller coucher à Hello. Là, nous allâmes directement à la maison de ville, où l'on nous donna sans difficulté un billet de logement. Nous fûmes encore chez de bonnes gens, chez qui nous trouvâmes un bon feu. On nous offrit à chacun un verre de genièvre. Ensuite, notre bourgeoise alla chercher l'eau vivre avec notre billet de logement, car les communes venaient de recevoir l'ordre de nous donner les vivres. Lorsque nous fûmes réchauffés et un peu reposés, nous nous disposâmes en attendant la soupe à faire une visite au champ de bataille, que nous parcourûmes en partie. Nous vîmes plusieurs monuments funèbres, c'est-à-dire de simples croix en bois. Nous en remarquâmes particulièrement une avec cette inscription. Ici reposent 29 officiers du brave 14e de ligne mort au champ d'honneur. Après quelques observations sur l'emplacement des troupes, le jour de cette terrible bataille, nous entrâmes en ville, qui nous parut déserte. Il est vrai que c'était un dimanche, que les habitants étaient, vu la saison, renfermés chez eux, et que nous nous trouvions les seuls Français, les autres ayant pris une autre direction. Rentrés à notre logement, en attendant que notre repas fût fait, nous nous étendîmes sur la paille. À peine y étions-nous qu'un vétéran prussien entra pour nous prévenir qu'on apercevait des Cosaques sur une hauteur à un quart de lieue de la ville, et qu'il nous conseillait de partir au plus tôt. Comme la chose n'était que trop vraie, nous nous dépêchâmes de faire nos dispositions de départ. Nous enveloppâmes dans de la paille notre viande, qui n'était pas à moitié cuite. Nous partîmes avec notre paysan pour nous mettre dans le bon chemin. Lorsque nous y fûmes, il nous fit remarquer les Cosaques sur une hauteur. Ils étaient plus de 30. Le temps était brumeux. La neige ne manqua pas de tomber un instant après notre départ. Nous n'avions pas encore fait une demi-lieue que la nuit nous surprit. Nous rencontrâmes 2 paysans. Nous leur demandâmes s'il y avait encore loin pour trouver un village. Ils nous dirent qu'avant d'en trouver, il fallait traverser un grand bois, que nous trouverions à notre droite, à 25 pas de la route, une maison qui était celle d'un garde forestier, qui tenait auberge, et que nous pourrions y loger. Après une petite demi-heure de marche, nous arrivâmes à la maison indiquée. Il était 9 heures. Nous avions fait 4 lieues. Avant de nous ouvrir, on nous demanda qui nous étions et ce que nous voulions. Nous répondîmes que nous étions Français et militaires de la garde impériale, et que nous demandions si, en payant, nous pourrions avoir à loger, à boire et à manger. Aussitôt, on nous ouvrit la porte, et on nous dit d'être les bienvenus. Nous commençâmes par faire mettre notre cheval à l'écurie. Puis on nous fit entrer dans une grande chambre où nous aperçûmes 3 individus couchés sur de la paille. C'étaient 3 chasseurs à cheval de la garde, arrivés dans la journée, mais plus malheureux que nous. car ils n'avaient plus de chevaux, et ayant les pieds gelés, ils étaient obligés de faire la route à pied. On nous servit à manger, ensuite nous nous couchâmes et nous dormîmes comme des bienheureux. En nous réveillant, nous fûmes surpris de ne plus voir les chasseurs. Mais le maître de la maison nous apprit qu'il y avait environ une heure, un juif voyageant avec un traîneau avait proposé aux chasseurs de les conduire à 3 lieues pour 2 francs, et qu'ils avaient accepté avec empressement. Nous apprîmes cette nouvelle avec plaisir. Après avoir payé la valeur de 5 francs, qu'on nous demanda pour notre cheval et pour nous, nous partîmes. Notre bourgeois nous recommanda de toujours suivre les traces du traîneau qui nous précédait et qui conduisait les chasseurs. Nous avions une longue marche à faire ce jour-là, 9 lieues. Après avoir marché toute la journée, nous arrivâmes à la nuit à Elsberg, où nous devions loger. La première chose que nous fîmes fut d'aller chez le bourgmestre chercher un billet de logement. Nous fûmes assez heureux pour nous voir désigner la même maison où nous fûmes assez bien reçus. 6 chasseurs à cheval de la garde s'y trouvaient déjà. On nous servit de la soupe, de la viande avec force bonnes pommes de terre et de la bière. Nous demandâmes du vin, en payant bien entendu. On nous en procura un thaler à la bouteille, 4 francs, que nous trouvâmes bon et pas cher. Avant de nous coucher sur de la bonne paille, nous recommandâmes à notre bourgeoise de nous préparer à manger pour 5 heures du matin, car nous voulions partir de bonne heure, ayant encore une grande étape à faire. Le lendemain, 22 décembre, nous nous levâmes de grand matin. Un domestique vint nous apporter de la chandelle. Nous lui recommandâmes notre cheval en lui promettant de lui donner un pourboire lorsqu'il l'aurait mis au traîneau. On nous apporta la soupe, enfin ce que nous avions demandé. Alors chacun de nous flatta la bourgeoise en lui disant « Bonne femme, belle femme » et en lui donnant des petites claques sur le dos, sur les bras et puis ailleurs. Le repas fini, nous nous disposions à partir. Le traîneau était prêt et nous disions adieu à la femme lorsqu'elle nous dit « C'est bien, messieurs, mais avant de partir, n'oubliez pas de payer. » « Comment payer ? Ne sommes-nous pas ici par billet de logement ? Ne devez-vous pas nous nourrir ?»« Oui, répondit-elle, pour ce que vous avez mangé hier, mais pour la nourriture d'aujourd'hui, il me faut 2 thalers, 10 francs. » Je déclarai que je ne payerais pas, et comme la femme voyait que nous nous disposions à partir sans lui donner de l'argent, elle ordonnait de fermer la porte, et une douzaine de grands coquins de Prussiens entrèrent dans la maison, armés de grands bâtons de la grosseur de mon bras. Ce n'était pas le cas de discuter. Nous payâmes et nous partîmes. Autre temps, autre mœurs. À présent, nous étions les moins forts. Les chasseurs étaient partis pendant que nous mangions. Nous avions encore 2 jours de marche jusqu'à Elbing, 12 lieues. Mais comme nous ne voulions pas fatiguer notre cheval, nous décidâmes que nous irions loger à 3 lieues de cette ville. Après 1 lieue de marche, nous aperçûmes plusieurs traîneaux venant sur notre gauche pour marcher aussi sur Elbing. Cela nous fit penser que nous n'avions pas suivi la route que les débris de l'armée avaient prise, car au lieu d'aller sur Elo, nous devions nous diriger sur Friedland. Un traîneau de grande dimension et traîné par 2 chevaux vigoureux passa près de nous. Il allait tellement vite que nous ne pûmes distinguer de quel régiment étaient les militaires qu'il conduisait. Au bout d'une demi-heure, nous aperçûmes une maison d'assez belle apparence. C'était la poste aux chevaux, et en même temps une bonne auberge. Nous vîmes sur la porte plusieurs soldats de la garde et d'autres qui partaient sur des traîneaux et que l'on venait de leur procurer. Nous descendîmes et nous entrâmes. Nous demandâmes du vin, car un vélite chasseur et un ancien venaient de nous dire qu'il y en avait, et du soigné. Il paraissait même en avoir bu copieusement. Le vieux comme le jeune était d'une gaieté folle, chose qui arrivait presque à tous ceux qui, comme nous, avaient eu tant de misère et de privation. La plus petite boisson vous portait à la tête. Le vieux nous demanda si nous avions rencontré le régiment de grenadiers hollandais faisant partie de la garde impériale. Nous lui répondîmes que non. « Il a passé près de vous, dit le vélite, et vous ne l'avez pas aperçu ? Ce grand traîneau qui vous a dépassé, eh bien, c'était tout le régiment des grenadiers hollandais. Ils étaient 7. » Le maître de poste annonça à nos 2 chasseurs qu'il y avait un traîneau à leur disposition et que pour 3 thalers, 15 francs, il les conduirait à 3 lieues d'Elbing. Nous nous disposâmes à partir avec eux puisqu'ils avaient un conducteur. 5 minutes après, nous étions en route. Grangier et moi nous trouvâmes fortement indisposés et rendîmes tout ce que nous avions pris depuis la veille. Cette indisposition venait de ce que notre estomac n'était plus habitué à prendre de fortes nourritures. Il aurait fallu nous y habituer peu à peu. C'est ce que nous nous promîmes de faire. Arrivés au village, nous prîmes chacun un verre de genièvre de Danzig. Nous continuâmes à marcher jusqu'au moment où nous arrivâmes dans le village où nous devions loger. Il faisait nuit. Nous nous présentâmes chez le bourgmestre afin d'avoir un billet de logement. Mais on nous le refusa brutalement, en nous disant que nous n'avions qu'à coucher dans la rue. Nous voulûmes faire des observations. On nous ferma la porte au nez. Nous nous présentâmes dans plusieurs auberges, où en payant nous demandâmes à loger, mais partout nous eûmes la même réception. Nous décidâmes, les chasseurs et nous, que nous continuerions à marcher ensemble. Qu'il profiterait de notre traîneau, et comme il n'était pas assez grand pour nous tous, que deux iraient à pied, chacun son tour. De cette manière, nous devions tâcher d'atteindre un village, où nous trouverions peut-être des habitants plus hospitaliers. À une portée de fusil, nous aperçûmes une maison un peu écartée de la route. Nous prîmes aussitôt le parti de nous y loger de force, si l'on ne voulait pas nous y recevoir de bonne volonté. Le paysan nous dit qu'il nous logerait avec plaisir, mais que s'il était connu par ceux du village pour nous avoir donné à coucher, il aurait la schlag, que si, cependant, on ne nous avait pas vu entrer, il risquerait de nous loger. Nous l'assurâmes que personne ne nous avait aperçu, qu'il pouvait nous recevoir sans crainte, et qu'avant de partir, nous lui donnerions 2 thalers. Il parut très content, et sa femme encore davantage, et nous nous installâmes autour du poêle. Pendant que l'homme était sorti pour mettre notre cheval à l'écurie, la femme, s'approchant de nous, nous dit tout bas et en regardant si son mari ne venait pas, que les paysans étaient méchants pour les Français, parce que lorsque l'armée avait passé, au mois de mai, des chasseurs à cheval de la garde avaient logé 15 jours dans le village, et qu'il y en avait un chez le bourgmestre, si joli, si jeune, que toutes les femmes et les filles venaient sur leurs portes pour le voir. C'était un fourrier. Un jour, il arriva que le bourgmestre le surprit, qui embrassait madame, de sorte que le bourgmestre battit madame. Le fourrier à son tour battit le bourgmestre, de sorte que madame est grosse, et que l'on dit que c'est du fourrier. Nous étions à écouter et à sourire de la manière dont la femme nous contait cela. « Ce n'est pas tout, continua-t-elle. Il y a encore 3 autres femmes dans le village, qui sont comme la femme du bourgmestre, et c'est pour cela qu'ils sont méchants pour les Français, de si jolis garçons. » À peine avait-elle dit le mot que le vélite chasseur se lève, lui saute au cou et l'embrasse. « Prenez garde, voilà mon mari. » Effectivement, il entra en nous disant qu'il avait donné à manger au cheval, et que dans un moment, il lui donnerait à boire, mais que si nous voulions lui faire plaisir, nous partirions avant le jour, afin que l'on ne pût voir qu'il nous avait logés. « Pour peu de choses, dit-il, je conduirai ceux de vous qui n'ont pas de traîneau, car j'en ai un. » Les 2 chasseurs acceptèrent. On nous servit pour notre repas une soupe au lait et des pommes de terre. Ensuite, nous nous couchâmes tout habillés et nos armes chargées. Le lendemain, 23, il n'était pas encore 4 heures du matin que le paysan vint nous éveiller en nous disant qu'il était temps de partir. Nous payâmes la femme, nous l'embrassâmes et nous partîmes. Au second village, les habitants, en nous voyant, crièrent « Hourra !» sur nous et nous jetèrent des pierres et des boules de neige. Nous arrivâmes dans un des faubourgs d'Elbing, où nous nous arrêtâmes dans une auberge pour nous y chauffer, car le froid avait augmenté. Nous y prîmes du café, et à 9 heures nous entrâmes en ville avec d'autres militaires de l'armée qui arrivaient comme nous, mais par d'autres chemins.